Santa. Come on, one more time, huh? Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Skyhawker francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com aussi à la radio à Toronto, CHU 89,1 FM et à Yellowknife CVR 103,5 FM. Moi, c'est Mathieu. Je vais être avec vous pendant 60 minutes pour jouer du Punk Skyhawker tout en français. Cette semaine, on fête une émission spéciale pour deux raisons. Un, on fête le 7e anniversaire de Sous Pression. Ça fait 7 ans depuis le mois de juin 2010 que l'émission existe. On va le fêter avec une entrevue avec le groupe Monoxide, groupe de Québec qui ont lancé la fin de semaine passée leur premier album, un album éponyme. J'ai fait une entrevue avec le groupe, il était assez gentil de prendre du temps pour nous parler. Je vais vous faire jouer l'entrevue un peu plus tard dans l'émission, dans environ entre 10 et 15 minutes. Je vais commencer avant avec de la musique. Je vais commencer avec Syndrome 81. J'ai le goût d'écouter un morceau de leur plus récent split avec le groupe Urban Savage. Je vais faire jouer le morceau N'oublie jamais. Après ça, je vais faire jouer un nouveau morceau de cartouche de leur plus récent album. L'album s'appelle Avenir. Et le morceau s'appelle Le Dernier Souffle. Très bon album de cartouche. Vous allez l'aimer, je suis certain. Alors c'est ça, on continue avec Syndrome 81. Ensuite, cartouche, un peu plus tard, l'entrevue avec Monoxide. Mais pense à moi, le premier instant de bonheur. Je les sens guider par l'envie et le battement de leur cœur. Quand la terre se met à trembler, croit au chavirement des sens. Mais le hurlement des sirènes annonce déjà leur souffrance. Vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. On vient d'écouter du Monoxyde de leur album éponyme, le morceau Sans Censure. Cartouche avant ça de leur nouvel album à venir, c'était le morceau Le Dernier Souffle. Et on vient d'écouter, on a commencé avec du Syndrome 81, le morceau N'oublie Jamais. comme promis, je vais faire continuer dans un moment. Je vais vous présenter l'entrevue avec Monoxide. Les trois gars ont pris le temps là, cette semaine passée, pour s'asseoir chez eux, avec moi. Moi, j'étais chez nous, dans mon petit studio maison. Ils ont pris le temps pour nous parler, juste une couple d'heures avant leur concert de lancement d'album. L'entrevue dure environ 14 minutes. On a parlé de plein de choses. On a parlé de leur musique, évidemment, leur passé, la façon qu'ils ont mélangé plusieurs... qui viennent de différents backgrounds musicaux, comment ils font ça, comment ils font pour faire marcher ça. C'est une bonne entrevue. On a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait en sorte que la qualité du son est pas super super. C'est de ma faute, j'assume la responsabilité, je suis désolé, mais je pense que vous allez quand même trouver ça intéressant. Alors voici l'entrevue Monoxide. Alors, pouvez-vous vous présenter, me parler un peu du groupe, qui fait qui est qui et qui fait quoi dans le groupe? Ok, moi c'est Fred, je suis bassiste, chanteur. Moi c'est Pat, je suis drummer, je fais des back vocals. Moi c'est Rick, oui. Guitariste, back vocals. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui, là, sans ce beau samedi après-midi. J'ai vu que vous êtes formé en 2010. Alors, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble et vous sortez votre premier album. Vous avez votre concert ce soir, le lancement d'album. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique du groupe et nous parler un peu pourquoi ça a pris 7 ans pour sortir votre album? Oui, bien sûr. C'est ça. Ça fait 7 ans qu'on est un band de compo. On s'appelait Face It. Auparavant, on avait un band de cover, puis de rock punk, toutes sortes de choses. On était trois au début. On a ajouté un quatrième membre pour faire Face It. On jouait en français et en anglais. Un peu plus tard dans le processus, on s'est rendu compte qu'on était très efficace en français, puis on a décidé de suivre cette voie-là. On a continué à garder le nom de Face It, même si on se faisait dire qu'on serait mieux en français. Entre-temps, un des membres du band a quitté. C'est là qu'on a décidé de faire tout en même temps, terminer l'album, changer de nom, s'appeler maintenant Monoxide, être juste en français, puis sortir notre premier album qu'on va sortir ce soir. Parfait. Et avez-vous trouvé que vous êtes mieux reçu maintenant que vous chantez en français? Est-ce qu'il y a une différence maintenant à comparer à avant? C'est pas la même crowd qui est visée, je dirais. On était aussi bien reçu avant quand on était plus punk-core. C'était un peu sur l'anglophone aussi. On était plus avec des crowds de métal. Là, on a des crowds un peu plus rock. Fait qu'on est quand même très bien reçus dans les deux cas. Je vous parlais un peu de vos paroles. Je les ai lues, elles sont toutes en ligne sur votre site Bandcamp. Ils semblent être à la fois personnels, mais aussi politiques. Vous parlez de censure, de l'industrie de musique pop... Pourrais-tu me parler un peu du rôle que, selon vous, la musique et le punk et le rock peut avoir dans la politique et les luttes contre l'injustice? Ouais, je te dirais que c'est plus une question... Ce que ça peut jouer comme rôle, c'est plus pour essayer de conscientiser. On ne changera pas le monde avec une toune, on comprend. Mais si ça peut juste essayer de conscientiser le monde sur des problèmes que moi j'ai vus ou bien sur des comportements dans les relations interpersonnelles aussi que j'ai remarqué qui pouvaient être dérangeants ou c'est juste conscientiser dans le fond, j'ai pas la science infuse puis je donne pas de solution, puis je pense pas que la musique puisse donner de solution, mais ça peut ouvrir les yeux. Et en parlant de vos paroles, votre morceau semblant de justice. Mais en fait, si je vous demandais de parler d'une couple de vos... Si je vous nommais une couple de vos chansons, pouvez-vous nous en parler un peu, là? Ben, certainement. Ouais, la plupart, oui. Des fois, il y en a qui ont tué des noms. Non, tu parlais de semblant de justice, ça, il y a eu pas mal de... Non, je m'accorde, ça. Ça semblant de justice, dans le fond, c'est... pas mal, il y a eu... un jugement qui avait été rendu sur une personnalité publique qui avait eu une sentence bonbon après avoir eu un procès pour quelque chose comme pornographie juvénile ou quelque chose dans le genre, on n'embarquera pas trop. Parce que je veux viser personne, mais ça m'avait vraiment fait chier de voir comment on pouvait acheter sa sentence. Là. C'est en gros, si on écoute bien les paroles et ça, puis ça. Je trouve que ça pousse pas les victimes à vouloir dénoncer ça donne pas grand chose au final. Et le morceau 7 coupes? Les 7 coupes, ben, je te dirais, c'est un petit scénario apocalyptique que je vois qui est en train de se passer, que tout va mal en, ben, tout. En tout cas, ça, c'est noir un peu comme vision, mais que ça va pas bien point de vue guerre de religion encore. Ça fait très longtemps que ça dure. On se tape sa gueule pour des raisons d'amis imaginaires. Ouais, ben, en gros, c'est ça, là. Il y a eu au-dessus de 3000 dieux dans toute, depuis la création, là, depuis qu'on est là. Il y a eu à peu près 3000 dieux. Il y a du monde qui disent, non, c'est le mien qui est bon là-dedans. Puis, en tout cas, whatever. Puis il y a eu toutes les guerres, on se tape dessus pour à peu près rien. Puis on est en train de détruire notre planète avec tout ce qui est à usage unique. Puis on cache la tête, on, dans le sable, on fait l'autruche. On veut pas voir qu'on est en train de s'enliser puis de tout scraper. Mais en gros, c'est pas mal ça. Puis vu que c'est comme un scénario apocalyptique, c'est pas mal écrit en parabole, en image. Ouais, c'est ça, en lisant les paroles, on disait que j'avais l'impression que c'était comme, je sais pas, presque... Il y avait un élément un peu religieux, un peu comme... J'ai lu l'Apocalypse de bord en bord avant de finaliser ma chanson en tant que telle. Alors, tu t'es instruit... Oui, ouais, c'est très, très dur à lire, je te dirais. Là. Mais bon, un chapitre par soir, ça c'est... OK, mais il n'a pas fallu aller au séminaire, rien de même, juste pour écrire une chanson. Là. Non, quand même. Ça a été un petit peu bizarre, je pense. Faut vivre dans sa tête. Ouais. Et le morceau Pop 101, ben je pense que c'est un peu évident, là, mais quand même, vous venez en parler un peu, là. Ouais, ben dans le fond, c'est un écœurite que j'ai eu assez véhémente et forte envers le Star System qui fait juste créer de nouvelles vedettes instantanées finissent par crever un an plus tard, puis qu'on a entendu parler, Dieu merci. C'est, en gros, c'est pas mal ça. Je trouve juste ça plate de voir des vedettes interchangeables qui font juste booster la popularité d'un poste de radio ou ben de télé. Là. Est-ce qu'il y a des vedettes en particulier qui vous fait chier en ce moment? Non. En tant que tel, non. C'est pas tant les vedettes qui m'écœurent, parce que... T'sais, c'est comme dire un joueur de hockey devrait pas gagner autant de millions, mais si quelqu'un est prêt à le payer, ben go, regarde, moi, t'es bon là-dedans, vas-y, ben c'est pareil pour les vedettes, c'est plus le star system en tant que tel qui m'écœure, c'est l'industrie en arrière que je trouve plate, que je trouve qui est là plus pour vendre un produit au lieu de vendre de l'art. Puis en plus, c'est encouragé par le gouvernement qui donne des subventions pour l'art, mais dans le fond, c'est pas vraiment une subvention pour l'art, ils vont le ravoir en taxes après, là. C'est pas vraiment une subvention, c'est un investissement, dans le fond. Ça va donner des milliers de dollars à Éric Lapointe pour qu'il fasse un album que des matantes vont acheter. Oh, c'est pas Éric Lapointe ou les grands. Non, ça, c'est le gouvernement que je suis dessus, c'est pas Éric Lapointe. S'il est capable d'avoir cette subvention-là, go for it, et là, tu sais, c'est juste le fondement de la subvention en tant que telle que je trouve que c'est pas pour l'art. En tout cas, tu comprends un peu le topo pour le système et tout ce qui l'encourage puis qui fait que c'est ça qui m'écœure. Est-ce qu'il y a des désaccords des fois? As-tu déjà composé une chanson où il y a eu des débats à l'intérieur du groupe que vous n'étiez pas d'accord sur les paroles ou vous ne les aimez pas? Je pense que c'est arrivé sur quelques mots qu'il y a eu des problèmes de sonorité ou bien de politically correct qui ont fait que j'ai dû changer, mais en tant que tel, pas tant obligé, je finis juste par être d'accord. On est des gars qui pensent pas mal pareil, fait que si t'arrives avec un argumentaire qui va me faire changer d'idée, ben c'est parce que t'as une meilleure idée que moi. puis dans le fond, c'est toi qui chante, alors tu sais, pendant un show, tu veux dire n'importe quoi. Là. Ouais, exactement, puis ça m'arrive toujours n'importe quoi, j'oublie mes paroles à tout bout de champ. Alors, là, vous êtes de Québec, avez-vous grandi dans la scène de punk à Québec? Tout. C'est tout nouveau, moi, le punk. J'ai pas mal été dans le métal avant. Dans le cover, surtout. C'est moi, ma première expérience de compo. J'étais pas satisfait de ce que je faisais dans le métal. Je me trouvais pas au top. Fait que j'ai décidé de faire un autre style de musique que je trouvais très bon aussi, puis d'approfondir, puis d'être capable de faire de quoi de solidement sacoche. je verrai ça dans le punk. Et les autres, êtes-vous issus de la scène du punk, là? Ben, moi, je suis né dedans à très vieil âge. J'ai commencé à jouer à 26-27 ans. Fait que, ça a commencé justement, j'ai joué avec ça dans le band de cover. Puis, c'est là-dedans que j'ai grandi en tant que musicien. Fait que, moi, j'ai toujours vécu là-dedans, mais plus tard que les autres, je te dirais, là. Mais, non, j'irai pas dans une autre scène. C'est vraiment le punk que j'écoute, puis que je joue, puis que je vénère. Moi, j'étais dans un band au secondaire. On faisait plus du québécois, là. Chansonnier, québécois, d'école, là. J'ai commencé à sur le punk là, quand j'ai connu les deux autres. Alors, vous êtes vraiment, c'est vraiment intéressant. Vous êtes comme un groupe de punk qui venait tout des scènes et des genres de musique différentes et vous composez du punk. Ça a-tu été un défi? Pas tant, parce que je fais mon punk à savoir de mes influences que j'ai d'avant. Je peux pas dire que j'ai vraiment changé, c'est juste. C'est non, ça n'a pas été si compliqué que ça. Je pense que j'avais ça dans le mois en partant. Nous, dans le fond, on a regardé Fred aller, puis on faisait confiance à Fred dans ce qu'il composait, puis on a pas mal tout le temps aimé tout ce qu'il a fait. Fait que pourquoi essayer de changer le formule qui est gagnante? Fait qu'on a décidé de lui faire confiance, puis jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Cool. Et avez-vous fait plusieurs shows avec d'autres groupes punk en ce moment? Et comment avez-vous été bien reçu par les autres groupes punk? Ils ont bien aimé ça ou? Oui, on s'est promené pas mal en province. Je te dirais, on était joué pas mal partout. Là, Montréal, on était joué à Elmer, à Lesville, Trois-Rivières. On était joué sur la côte nord. Puis on a joué avec quand même des bons bands, les Pistoleros, Major Lee, des choses comme ça. Dutch Nugget, oui, c'est vraiment à la coche. Jerry Barrett qui ont fait une méchante job une fois aussi. Oui. Ben Sprinter, c'est ça. On a joué avec une couple de bandes vraiment à la coche, puis on attend juste de faire des autres belles collaborations au courant de la prochaine année et la suivante. Cool. Et avez-vous, y a-t-il des groupes locaux à Québec que vous pouvez conseiller à ceux et celles qui ne connaissent pas la scène? Du Mute. Ouais. Si quelqu'un connaît pas Mute, dépêche-toi après. Ouais. Fill in pain, get the shot. Ouais. À Québec, on a une belle scène émergente, je te dirais, vraiment. Là. Get the Shot, c'est du hardcore, hein? Ouais, quand même, là, mais si tu parles de scène locale, moi je parle de scène locale, ouais. C'est pas n'importe quoi. Pas juste dans le punk, mais il y en a beaucoup ici. Il y a Set It Back aussi qui est bon, Hard Darkest Days. Ouais. Je pourrais t'en nommer toute la journée. Non, il y en a plusieurs, puis ils commencent à avoir des belles carrières qui sont. Là, vous avez l'album qui sort, vous avez le lancement ce soir. Vous allez sortir l'album, mais si vous pouviez sortir un split, disons, vous faites un album split ou un 7 pouces split avec un autre groupe ou un artiste vivant ou mort, ça serait qui et pourquoi? Ben, moi, je le fais avec Tony Sly, mais c'est ça, tu m'as dit, j'avais le droit de choisir dans le mort. Ça serait ça pour moi. Tony avait tellement une vision de la musique qui m'a rejoint beaucoup. Tout à fait d'accord avec Pat. Oui? Oui, vraiment, c'est mélodieux, recherché, puis quand tu virais ça avec son band No Heels, c'était rapide, mais fort, j'adore. Alors, c'est une opinion unanime entre vous, là? Total, oui. Oui, OK. On a juste pas pensé, c'est la première fois qu'on se posait la question, puis je te dirais oui, c'est unanime. OK, ben parfait. J'ai pas causé de débat ou de fissure au sein du groupe. On va prendre la misère, puis d'autres, on est des vieux, Chuck. Okay. Alors, après, vous avez, comme j'ai dit, vous avez le lancement, mais l'entrevue ça va être diffusée après le lancement. Alors, je peux pas vous demander comment ça s'est passé, mais pouvez-vous... Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. OK, ben c'est bon à savoir. J'espère que ça va se bien passer. Okay. Sinon... Mais après le lancement, avez-vous des plans? Avez-vous des plans de faire d'autres concerts ou avez-vous composé des nouveaux morceaux depuis ceux qui sont sur l'album? Non, c'est juste le début, je te dirais. Là, on a décidé de faire des mini-tournées un peu partout dans les régions que je t'ai nommées tantôt et peut-être d'autres si on veut bien nous accueillir. Des shows de vendredi samedi soir, parce qu'on a des jobs la semaine. Puis on a des belles collaborations qui s'en viennent aussi avec des artistes connus du milieu francophone dans le rock. On peut juste pas en parler pour l'instant. On va aller faire probablement aussi d'autres entrevues un peu partout, jouer à la radio, puis à la radio web. On vous remercie en passant beaucoup pour votre support des radios jusqu'à présent. Vous avez été too much. Hey, c'est un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Là. Et j'ai hâte de voir les collaborations quand même. C'est, il y a un peu de mystère dans ce que, dans ce que vous avez dit. Là. Ah, ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais. OK, ben c'est toutes les questions que j'avais. Avez-vous un dernier mot? Vous pouvez nous laisser avec un dernier mot? Home be live free. That's OK, ben, moi je vous remercie. Vous merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler. Puis bonne chance avec votre show ce soir. Yes, sir. T'en donne des nouvelles. Vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'écouter du Monoxide, le morceau Pop 101 de leur album éponyme dont la sortie a été... le lancement s'est fait la semaine passée. Je veux encore remercier le groupe Monoxide pour d'avoir pris le temps de faire l'entrevue avec nous. C'est des bons gars, une bonne entrevue, la musique est bonne. Vous pouvez aller checker ça sur leur site Bandcamp. Et leur site Bandcamp, je vais mettre le lien sur le site de Sous Pression, mais sur souspressionpunk.com. Alors allez checker ça, vous pouvez aller l'écouter et vous le procurer à partir de leur site Bandcamp. Ça vaut la peine parce que c'est un bon album. Alors on va continuer avec l'émission. On est rendu à mi-chemin là. Alors je vous rappelle bien sûr qu'il y a le site web souspressionpunk.com. Il y a aussi une page Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller aimer la page de l'émission. C'est facebook.com/souspression. Et bien sûr, si vous voulez envoyer un courriel, info@souspressionpunk.com, envoyez-moi un message, je suis n'importe quoi, demande spéciale, plainte, comme vous voulez partager de la musique, allez-y fort. Alors, on va continuer avec le bloc Sono Mondial, moment de l'émission, on fait jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Cette semaine, ça va être un groupe allemand, le groupe s'appelle Crass Defected Character. Je vais faire jouer deux morceaux de leur album Undersight, le morceau Répression et Zukunft. Alors voici Crass Defected Character à Sous Pression. Doch rennt der Dame da. C'était Crust Affected Character avec Répression et Zoukoun. On continue maintenant avec du Zabriskie Point et le morceau Incolore et Délavé. We'll be right back. Tous, que le seul lien qui nous unit soit la danse. l'homme. Sans problème. On protège la liberté. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Ça, on vient d'écouter du flocon givré de l'album Veggies Veggies Reveggies. C'était le morceau L'Escargot. Brutal Chéri avant ça avec Rien vu de pire de l'album Cours ou crève. Du Justine avec Faux problème. Poésie zéro, chômage pour tous. Du Bon Vivant avant ça de leur EP Haute la mer que t'as dans les yeux. C'était le morceau Mercredi Rien dans les poches. Les ordures organiques avec Champion de l'évolution. Et on a commencé le bloc avec du Zabriskie Point et le morceau Incolore et Délavé. Alors, il nous reste du temps pour jouer un dernier morceau. Mais avant de faire ça, je veux encore une fois remercier Monoxide, les gars, d'avoir pris le temps de parler. C'est une bonne entrevue. Et allez checker leur site web, leur site Bandcamp, monoxide.bandcamp.com, pour vous pour écouter vous et pour vous procurer l'album. C'est du bon punk rock par un bon groupe. Et je suis certain que vous allez aimer ça. Alors, allez checker ça, appuyez le punk, appuyez les groupes de punk. Mais avant de vous laisser avec un dernier morceau, juste faire un petit hommage et vous parler un peu d'un événement dont vous avez peut-être entendu parler récemment. C'était à Portland, en Oregon, aux États-Unis, où deux hommes ont été tués et un troisième presque tué sur un train, leur système de transport en commun, lorsqu'un fasciste, un néo-nazi, qui s'appelle Jeremy Christian, s'est mis à harceler deux femmes qui croyaient étaient musulmanes et dont une portait un hijab alors qu'il l'était probablement. Les trois hommes, Ricky Best, Taliesin Mirdin, Nankai Meche et Micah David Cole Fletcher sont venus au secours de ces femmes, sont intervenus dans la situation pour en fait d'empêcher et de mettre fin à l'harcèlement. Et les trois ont été attaqués, dont deux ont été tués. Ricky Best et Taliesin Mirdin Nankai Meche ont été tués par le raciste. Et heureusement, Michael David Cole Fletcher est encore en vie, mais il va sûrement porter les cicatrices pour le restant de ses jours. Juste un rappel que le fascisme existe toujours, le racisme existe toujours. Et on entend souvent parler des gens qui vont parler contre l'islam, contre les musulmans, dire que c'est tous des terroristes. Mais les mots ont des conséquences, puis la conséquence, c'est ce qui s'est passé en Oregon. La conséquence, c'est ce qui se passe presque à tous les jours, l'harcèlement et des attaques racistes. Et il faut mettre fin, il faut intervenir dans ces attaques, il faut résister au discours islamophobe et au discours néo-nazi et à la tendance fascisante qu'on voit dans l'Ouest, en Amérique du Nord et en Europe ces jours-ci. Alors, juste un petit hommage à Ricky John Best et à Taliesin Mirdin Nankai Meche et à Micah David Cole Fletcher. Faut suivre leur exemple, puis aussi une pensée aux femmes qui ont été fait l'objet de l'harcèlement du nazi Jeremy Christian. Alors ce morceau, Brigade de Flores Magone, pour un autre futur et pour eux et pour tous ceux et celles qui luttent pour un meilleur monde. Alors voici Brigade de Flores Magone, passez une excellente semaine.